Seigneur est mon berger. Regarde la distance qui nous sépare. Ne dis pas que tu ne sais pas. Des Porsche qui défoncent des arrêts de bus. Ou quand le luxe percute la misère. Ou quand au bus un sac est ouvert. La rue nous a détruits de l'intérieur. On ne peut pas faire confiance au ministère de l'intérieur. Parce que notre physique vient de l'extérieur. Cousin, mais quand on se barre on crame tout l'intérieur. Ce pays ne veut pas de nous, peu importe nous. On sait s'élever seul, seul devant Dieu sage-nous. Et on voit tous les jours des frères perdre du bif, perdre la tête, prennent une balle ou perpète pour du bif. Voilà le fil du rasoir, la navigation en nos trous. Appelle le ghetto ou pire, bon des soupirs. Mais c'est ici qu'on a grandi, impossible de nier. Vous rasez les immeubles, mais bon, impossible d'oublier. Dans le speed de la vie, au cœur de la nuit, les âmes se font braquer. Les rêves sont ici, décédés indécis, les faibles se font marquer. Je n'ai pas peur de l'oubli, je ne suis que folie, le Seigneur est mon berger. C'est pour les hommes, oui, le Seigneur est mon berger. Combien de jeunes dehors perdent la vie parce qu'on veut juste vivre autre chose à ton avis. Pense au mec devenu ouf, prise de cachet, avalé de force, résultat, avenir gâché. Peu importe la couleur ou les convictions, sachez que c'est dans les rues de France depuis tout jeune à nous-mêmes livrer qu'on mangeait grâce aux sachets vendus maladroitement. On ne veut de mal à personne, juste partir d'ici dès maintenant. Personne ne pensait tout perdre, mais on reste debout fièrement. Chacun ses problèmes, chacun son enterrement. La violence est hale quand les sentiments s'écrasent. On compte rien, nous, tu connais l'état d'esprit des braves quand la BAC te met des barres. Fichier ADN, c'est 09 cousin. Rap le texte en geôle pour les barges et les détenus. Du détail on grossiste. Si c'est la crise en France, on continue les gros chiffres. Dans le speed de la vie, au cœur de la nuit, les âmes se font braquer. Les rêves sont ici, décédés indécis, les faibles se font marquer. Je n'ai pas peur de l'oubli, je ne suis que folie, le Seigneur est mon berger. C'est pour les hommes, et le Seigneur est mon berger. Yeah. Le Seigneur est mon berger. Mon chemin est éclairé. Les putains sont avisés. Yeah.